Chapitre 10e. L'abbé, frappé de stupeur, regardait le docteur Gasterini, ne pouvant croire à ce qu'il entendait. Enfin, il s'écria : « Comment, docteur ? Vous avez fait la cuisine chez le seigneur Don Diego ? Vous ? Vous ? Oui, moi, mon cher abbé. » « Un docteur ? » reprit à son tour le chanoine ébahi. « Un médecin ? » ?»« Oui, monsieur le chanoine, » répondit monsieur Gasterini, « je suis médecin. » « Ce qui ne m'empêche pas, dis-je, de faire passablement la cuisine. »« Passablement ? » s'écria le chanoine. « Dites donc divinement, mais que signifie ?»« Je comprends tout, » reprit l'abbé Ledoux. Après être resté un moment silencieux et pensif, la trame était habilement ourdie. « Que comprenez-vous, l'abbé ? De quelle trame parlez-vous ? » reprit le chanoine, qui, son premier étonnement passé, commençait aussi à trouver fort étrange qu'un médecin fût un cuisinier si extraordinaire. « De grâce, expliquez-vous, l'abbé. »« Savez-vous, Don Diego ? » reprit l'abbé, avec un sourire amer et courroucé. « Savez-vous qui est, monsieur le docteur Gasterini ?»« Mais, » répondit le chanoine en balbutiant et en s'essuyant le front, car il faisait des efforts surhumains pour pénétrer ce mystère. « Tout ceci se complique si étrangement que... »« Monsieur le docteur Gasterini, » s'écria l'abbé, « est l'oncle du capitaine Horace. » « Il serait vrai ? » dit le chanoine stupéfait. « L'oncle du capitaine Horace ? Comprenez-vous maintenant, Don Diego, le tour diabolique que le docteur vous a joué ? Comprenez-vous qu'il a mis en action votre déplorable gourmandise afin d'avoir prise sur vous et de vous amener d'abord à renoncer à vos poursuites contre son neveu, le capitaine Horace, et ensuite à vous amener aussi à consentir sans doute au mariage du capitaine avec votre nièce ? Comprenez-vous enfin jusqu'à quel point vous avez été trahi, dupé ? Voyez-vous la profondeur de l'abîme où vous avez failli tomber ? Jésus mon Dieu, ce grand homme de cuisine est docteur, il est l'oncle du capitaine Horace, murmurait le chanoine étourdi de cette révélation. Ce n'est pas un véritable cuisinier. Oh, illusion des illusions ! Le docteur restait muet et imperturbable. Hein ? Avez-vous été assez dupe ? Reprit l'abbé. « Avez-vous joué un rôle assez ridicule, assez honteux ? Et croyez-vous maintenant que l'illustre docteur Gasterini, l'un des princes de la science, qui a 50 000 livres de rente, ira se mettre cuisinier à vos gages ? Avais-je tort de vous dire que l'on se moquait cruellement de vous ?» Chacune des paroles de l'abbé exaspérait la colère, la douleur, le désespoir du malheureux chanoine. Cette dernière observation surtout, « Croyez-vous que le célèbre docteur Gasterini ira se mettre à vos gages ?» portait un coup mortel aux dernières illusions que Don Diego aurait pu conserver. Aussi, s'adressant au docteur, il lui dit avec une rage à peine contenue « Ah, monsieur, vous vous souviendrez du mal que vous m'avez fait. J'en mourrai peut-être, mais je me vengerai, sinon sur vous, du moins sur votre scélérat de neveu et sur mon indigne nièce, qui doit être aussi de cet abominable complot. » « Bien, courage, Don Diego, cette vengeance illégitime, « ne se fera pas attendre, » reprit l'abbé Ledoux, et s'adressant au médecin avec ironie, « Ah, docteur, docteur, vous êtes sans doute un homme très fin, très habile, mais vous le savez, les meilleurs joueurs perdent souvent les plus belles parties, vous perdrez celle-ci. »« Peut-être, » dit le docteur en souriant, « qui sait ?»« Venez, mon cher abbé, venez, » s'écria le chanoine, pâle et exaspéré, « venez chez le procureur du roi, et ensuite nous hâterons le départ de ma nièce. » Et se retournant vers le docteur, « Employer des armes si perfides, si déloyales, abuser avec cet odieux machiavélisme d'un homme confiant et inoffensif, moi qui mangeais les yeux fermés, moi qui me délectais au bord de l'abîme ? Ah, monsieur, c'est abominable, mais je me vengerai. » « Et cela à l'instant, » dit l'abbé. « Allons, suivez-moi, Don Diego. » « Mille pardons, cher docteur, de vous quitter si brusquement, mais vous concevez, les moments sont précieux. » Le chanoine, bouillant de fureur, se disposait à suivre l'abbé lorsque le docteur Gasterini dit d'une voix calme « Monsieur le chanoine, un mot, s'il vous plaît. » « Si vous l'écoutez, vous êtes perdu, Don Diego, » s'écria l'abbé en entraînant le chanoine. « Le malin esprit n'est plus insidieux que cet infernal docteur. Jugez-en d'après le tour qu'il vous a joué. Venez, venez. » « Monsieur le chanoine, » dit le docteur en saisissant Don Diego par la manche droite, tandis que l'abbé, qui tenait le digne homme par la manche gauche, s'efforçait de se faire suivre par lui. « Monsieur le chanoine, un seul mot de grâce. »« Non, non, » dit l'abbé, fuyons, don Diego, fuyons ce serpent tentateur. » Et l'abbé continuait d'attirer le chanoine par sa manche gauche. « Un seul mot, reprit le médecin, et vous verrez combien ce cher abbé vous abuse à mon endroit. » Le docteur ne lâchait point la manche droite du chanoine. « L'abbé Ledoux m'abuse à votre endroit, c'est par trop fort, » s'écria don Diego. « Comment, monsieur, vous osez? Je vais vous prouver ce que j'avance, monsieur le chanoine, » dit vivement le docteur, en sentant don Diego faire un imperceptible mouvement pour se rapprocher de lui. L'abbé, redoutant la faiblesse du chanoine, l'attira violemment à lui en s'écriant « Rappelez-vous, malheureux, que notre mère Ève s'est perdue pour avoir prêté l'oreille à la première parole de Satan. Je vous adjure, je vous ordonne de me suivre à l'instant. Si vous mollissez, malheureux, prenez garde, une seconde de plus et c'est fait de vous. Partons, partons !»« Oui, oui, vous êtes mon sauveur, arrachez-moi d'ici, » balbutia le chanoine en se dégageant de l'étreinte du docteur. Malgré moi, je subissais déjà je ne sais quelle influence diabolique à l'aspect de ce démon. Je me rappelais ces œufs de pintade au coulis d'écrevisse, cette truite au beurre de Montpellier à glacer, cette céleste rôtie à la sardine à pâle, et déjà une funeste espérance. Fuyons, l'abbé, il est temps, fuyons. Monsieur le chanoine, dit le médecin avec anxiété, en s'attachant de toutes ses forces au bras de don Diego, écoutez-moi de grâce. Bas des rétros, Satanas! S'écria don Diego avec horreur en s'échappant des mains du docteur. Et entraîné par l'abbé Ledoux, il touchait au seuil de la porte lorsque le médecin s'écria « Je vous ferai la cuisine tant que vous le voudrez et tant que je vivrai, don Diego. Accordez-moi 5 minutes et je prouve ce que j'avance. 5 minutes, que risquez-vous ?» À ces mots magiques, « Je vous ferai la cuisine tant que vous voudrez », le chanoine parut cloué au seuil de la porte et n'en bougea plus. Malgré les efforts de l'abbé, trop faible pour lutter contre la force d'inertie du gros homme. « Mais vous êtes donc stupide ? » s'écria l'abbé hors de lui. « Vous êtes donc fou allié ?»« Accordez-moi 5 minutes, don Diego, » reprit le docteur, « et si je ne vous convainc pas de la réalité de mes promesses, donnez alors un libre cours à votre vengeance. Encore une fois, que risquez-vous ? Je ne vous demande que 5 pauvres minutes. »« En effet, » dit le chanoine en se tournant vers l'abbé, « que risquerais-je ? « Allez, vous ne risquez plus rien !» s'écria l'abbé, poussé à bout par la faiblesse du chanoine. « De ce moment, vous êtes perdu, vous êtes bafoué. Allez, allez, jetez-vous bien vite dans la gueule du monstre double et épaisse brute que vous êtes !» Ces mots, maladroitement échappés au courroux de l'abbé, blessèrent au vif l'amour-propre de don Diego. Il reprit d'un air piqué. « Je ne serai pas du moins assez brute, monsieur l'abbé, pour hésiter entre la perte de 5 minutes et la ruine de mes espérances, si faibles qu'elles soient. »« À votre aise, don Diego, » reprit l'abbé en se rongeant les ongles de colère. « Vous êtes une bonne et grasse dupe à exploiter. Tenez, j'ai honte d'avoir eu pitié de vous. »« Pas si dupe, monsieur l'abbé, pas si dupe, » dit le chanoine d'un ton capable. « Vous allez bien vous en apercevoir, et monsieur le docteur aussi, car il va sans doute s'expliquer. »« Oh, à l'instant !» s'empressa de répondre le docteur. « À l'instant, monsieur le chanoine, et très clairement, très catégoriquement. »« Voyons, » dit don Diego en gonflant ses joues d'un air important, « vous sentez, monsieur, que j'ai maintenant de puissantes raisons pour ne point me payer de chimères, car ainsi que l'a dit monsieur l'abbé, je serais une grasse et bonne dupe si, après tant d'avertissements, je me laissais abuser par vous. »« Oh, certes, » dit l'abbé dans son profond dépit. « Vous êtes un fier homme, chanoine, et bien capable de lutter contre ce fils de Belzébuth. »« Ceci s'adresse à moi, cher abbé, » dit le docteur en redoublant de courtoisie sardonique. « Êtes-vous ingrat ? Je venais vous rappeler que vous m'aviez promis de venir dîner aujourd'hui chez moi. Permettez, monsieur le chanoine, cela n'est pas du tout étranger à notre sujet, vous allez le voir. »« Oui, monsieur le docteur, » dit l'abbé, « je vous avais fait cette promesse, mais... »« Vous la tiendrez, je n'en doute pas. » Et je vous rappellerai même que cette invitation est venue de ma part à la suite d'une petite discussion relative aux 7 péchés capitaux. Encore une fois, monsieur le chanoine, je suis dans la question, vous allez le reconnaître tout à l'heure. Il est vrai, monsieur le docteur, reprit l'abbé avec un sourire contraint, je flétrissais, comme il mérite de l'être, les 7 péchés capitaux, cause de damnation éternelle pour les malheureux qui s'adonnent à ces abominables vices. Et dans votre rage de paradoxe, vous avez osé soutenir que les 7 péchés capitaux ont du bon, à un certain point de vue, dans une certaine mesure, et que la gourmandise, en son particulier, peut être une admirable passion. La gourmandise. La gourmandise, s'écria le chanoine ébahi. La gourmandise admirable. Admirable, monsieur le chanoine, reprit le docteur, et cela aux yeux des hommes les plus sages, les plus sincèrement religieux. La gourmandise, répéta le chanoine, qui avait écouté le médecin avec une stupeur croissante, la gourmandise. C'est mieux encore, monsieur le chanoine, dit solennellement le docteur, car pour ceux qui sont à même de la pratiquer, elle devient un impérieux devoir d'humanité. Un devoir d'humanité, répéta Don Diego. Et surtout, une question de haute civilisation et de grande politique, monsieur le chanoine, ajouta le docteur d'un air si sérieux, si sincèrement convaincu, qu'il imposa au chanoine, lequel s'écria. Tenez, monsieur le docteur, si vous pouviez seulement me démontrer que... Mais vous ne voyez donc pas que monsieur le docteur se moque de vous, dit l'abbé en haussant les épaules. Ah, je vous le disais bien, malheureux Don Diego, vous êtes perdu, à jamais perdu. Dès que vous consentez seulement à écouter de pareilles sottises. Monsieur le chanoine, se hâta d'ajouter le docteur, résumons-nous, non par des raisonnements, qui, je l'avoue, peuvent de ma part vous paraître spécieux, mais par des faits, par des actes, par des preuves, par des chiffres. Vous êtes à la fois gourmand et superstitieux. Vous n'avez pas la force de résister à l'appétence des bonnes choses. Puis, votre gourmandise satisfaite, vous avez peur d'avoir commis une grande faute, ce qui gâte parfois pour vous le plaisir de la bonne chair et nuit surtout au calme et à la régularité dans vos digestions. Est-ce vrai ? C'est vrai, répondit humblement le chanoine, dominé, fasciné par la parole du docteur. C'est trop vrai. Eh bien, monsieur le chanoine, je veux, je vous le répète, non par des raisonnements, si logiques qu'ils soient, mais par des faits visibles, palpables, par des chiffres, vous convaincre. Premièrement, qu'en étant gourmand, vous accomplissez une mission hautement philanthropique, civilisatrice et politique. Deuxièmement, que je puis et pourrai vous faire manger et boire, quand vous le voudrez, d'une manière encore plus exquise que l'autre jour. Et moi je vous dis, s'écria l'abbé, stupéfait de l'assurance du docteur, je vous dis que si vous prouvez par des faits, par des chiffres, comme vous le prétendez, qu'être gourmand, c'est accomplir une mission d'humanité ou de haute civilisation et de grande politique, je vous jure d'être l'adepte de cette philosophie si absurde, si insensée qu'elle paraisse. Et si vous me prouvez, monsieur le docteur, que vous pouvez me rouvrir pour toujours les portes de ce paradis culinaire que vous m'avez entr'ouverte avant-hier, s'écria le chanoine palpitant d'une espérance involontaire, si vous me prouvez que j'accomplis un devoir social en me livrant à la gourmandise, vous pourrez disposer de moi. Je serai votre séide, votre esclave, votre chose. C'est convenu, monsieur le chanoine, c'est convenu, l'abbé. Vous allez être satisfait. Partons. Partir ? Dit le chanoine. Et où cela, monsieur le docteur ? Chez moi, seigneur Don Diego. Chez vous ? Dit l'abbé d'un air méfiant. Chez vous ? Ma voiture est en bas, reprit le médecin. Dans un quart d'heure, nous serons arrivés. Mais, monsieur le docteur, reprit le chanoine, pourquoi aller chez vous ? Qu'y ferons-nous ? Chez moi seulement, monsieur le chanoine, vous pourrez trouver les preuves palpables, visibles de ce que j'avance, car je venais rappeler au cher abbé que c'était aujourd'hui le 20 novembre, le jour de la séance à laquelle je l'avais invité. Mais l'heure avance. Partons, messieurs, partons. Je ne sais si je rêve ou si je veille, dit Don Diego, mais je me jette dans le gouffre les yeux fermés. Il faut, cher docteur, ajouta l'abbé, que vous soyez le diable en personne, car mon esprit, ma raison, se révolte contre vos paradoxes. Je ne crois pas un mot de vos promesses, et il m'est impossible de résister à la curiosité de vous accompagner. Le chanoine et l'abbé suivirent le docteur, montèrent avec lui dans sa voiture, et arrivèrent bientôt tous trois à la maison qu'il occupait.